Combien de civils ont-ils payé de leur vie l'atroce guerre du Sri Lanka qui vient de s'achever, au moins sur le terrain? Des civils qui étaient les vrais otages de ce conflit vieux d'une trentaine d'années. Pour le gouvernement de Colombo, qui fête avec une ostentation impudique sa victoire, les redoutables tigres tamouls se servaient de civils comme de boucliers humains, ce qui est, au terme des lois internationales, un crime de guerre. Mais de leur côté, les tigres accusaient l'armée gouvernementale de bombarder à l'arme lourde les populations qui se trouvaient encore confinées dans leur dernier réduit. Et c'est aussi un autre crime de guerre. Mais au-delà de cette controverse où la mauvaise foi le dispute au mensonge, il y a les chiffres terribles. Au moins 6500 personnes ont péri et 100 000 autres, peut-être même plus, ont dû quitter en toute hâte leur village et vivent désormais derrière les barbelés de camps d'internement dans des conditions d'extrême précarité. Devant ce drame lointain, il faut bien reconnaître que la communauté internationale, comme on a l'habitude de la nommer, n'a guère réagi. Pire, l'ONU a minimisé le nombre de victimes civiles dans les récents massacres. Certes, le Conseil de sécurité a débattu de cette grave question, mais il n'en est rien sorti. Et d'abord parce que la Russie et la Chine ne voulaient surtout pas que l'organisation internationale intervienne dans les affaires internes d'un pays membre. La peur, sans doute, qu'un jour, l'ONU ne s'intéresse au Tibet ou à la Tchétchénie. Quant au gouvernement sri-lankais, il est demeuré sourd aux appels de ses homologues occidentaux, car il entendait bien mener cette guerre à son terme, et donc exterminer jusqu'au dernier des tigres tamouls. Monsieur X a déjà évoqué ce conflit qui a ensanglanté cette île paradisiaque pendant de si longues années. À l'occasion des derniers événements, il revisite cette question. न माने लोग मानेंगे जरूर ये मेरा दीवाना si on laisse provisoirement de côté le drame humain qui vient de se dérouler dans le nord-est du Sri Lanka, il faut d'abord s'interroger sur la soudaine déroute des tigres. Au fait, rappelez-moi pourquoi ces guerrilleros ont choisi de s'appeler ainsi. Oh, c'est une vieille histoire. Le tigre était l'animal emblématique d'une dynastie tamoule qui régnait sur le sud de l'Inde. Le tigre, ennemi naturel du lion, animal symbolique des Singhalais. Ah ouais. Cette guerre, c'était donc celle des tigres contre les lions. Oui, mais je vais revenir brièvement sur cet aspect, car le conflit puisait ses racines au plus profond de l'histoire de l'île de Ceylan. Auparavant, enfin je poursuis mon premier propos, pourquoi les tigres qui contrôlaient encore l'an dernier 15 000 km² du Sri Lanka, soit un peu moins d'un quart du territoire, ont brusquement reculé face aux assauts de l'armée gouvernementale. Au point qu'à la fin, ils ne disposaient plus que d'un réduit de 10 km², coincé entre la mer et une lagune. C'est d'autant plus étonnant que cela faisait au moins 25 ans que les tigres résistaient, et parfois victorieusement, à l'armée singhalaise. Que s'est-il passé ? Bah, écoutez, je vous propose de voir cela un peu plus tard. Un peu d'histoire d'abord. On estime généralement que les ancêtres des Singhalais actuels sont arrivés dans l'île quelques 5 siècles avant notre ère. Et d'où venaient-ils alors ? De l'Inde voisine, et le bouddhisme les a suivis. C'est un point très important, car les Sri Lankais considèrent encore aujourd'hui que leur pays est le conservatoire du bouddhisme. Alors que l'Inde, au contraire, va majoritairement adopter la religion hindouiste. Hein. En effet. Ouais. Or, justement, un siècle avant notre ère, des envahisseurs débarquent. Eux aussi viennent de l'Inde, du sud de l'Inde, c'est-à-dire du pays tamoul. Ils échouent à s'emparer de l'île, mais s'installent durablement, surtout au nord et à l'est. Et eux sont des hindouistes. Naturellement. Et tout au long des siècles, on assistera à de nombreux conflits entre les deux communautés, organisées en royaumes, en particulier pour des raisons religieuses. Il faut aussi noter que des marins et marchands arabes viendront propager l'islam. Mais cette islamisation restera très limitée. Alors globalement, comment se présente aujourd'hui la répartition entre ces différents groupes-là ? Les Singhalais bouddhistes sont largement majoritaires. 13 millions sur un total de 18 millions. Ah ouais, quand même. Les Tamouls, eux, sont au nombre de 3 millions. Quant aux musulmans, ils sont un peu plus d'un million. Et ils subiront plus souvent qu'à leur tour les conséquences des rivalités entre les deux principales communautés. Mmh. Et la colonisation, alors ? Elle commence au XVIe siècle. Les Portugais, d'abord, puis les Hollandais, et enfin les Anglais qui s'imposent à la fin du XVIIIe. Ce sont eux qui vont exploiter les richesses de l'île en développant des plantations de thé ou d'EVA. Et comme ils ont besoin de main-d'œuvre, bah, ils font venir d'Inde des centaines de milliers de Tamouls, ceux qu'on va appeler les Tamouls des plantations, pour les différencier des Tamouls implantés dans l'île au début de notre ère. Mais ne compliquons pas l'excès. Oui, hein, quoi qu'il en soit. Ce qui est important, c'est que le colonisateur choisit sciemment de favoriser la communauté tamoule. Et donc au détriment des Singhalais hindouistes, hein, bah, divisés pour régner, hein, c'est ça. Évidemment. Et ce favoritisme se manifeste de quelle façon ? Sur le plan scolaire et universitaire, par exemple. Et ça se traduit bien sûr par l'ascension sociale qui s'ensuit. Mais quand l'indépendance est acquise en 1948, bah, le retour de bâton est inévitable, car c'est la majorité singhalaise qui accède au pouvoir. Une précision d'abord, là. C'est à l'occasion de l'indépendance, hein, que Ceylan devient le Sri Lanka. Redevient, plutôt, car c'était son nom avant l'ère coloniale. Alors, j'imagine que cette majorité singhalaise va prendre sa revanche. Bah, forcément. Hein. Et ça commence par une décision inique. Les Tamouls des plantations se voient refuser la citoyenneté sri-lankaise. D'autre part, les nouvelles autorités encouragent les Singhalais à s'installer dans des zones fertiles, traditionnellement cultivées par les Tamouls. Mmh, c'est une sorte de colonisation, exactement. Ça. Mmh. Donc c'est une revanche teintée de racisme. Ah, pas seulement. Hein. À Colombo, la capitale, on a tendance à considérer que les Tamouls sont par nature trop proches de l'Inde. Et de leurs frères qui résident en Inde, dans l'état du Tamil Nadu. C'est ça, de l'autre côté du détroit. À seulement 30 km des côtes sri-lankaises. Et Colombo se méfie de l'Inde. Et de ses éventuelles ambitions impérialistes. Pour la même raison, pendant la guerre froide, lorsque l'Inde se rapprochera de l'URSS, le Sri Lanka choisira ostensiblement le camp occidental et l'alliance avec les États-Unis. En tout cas, les Tamouls qui se sentent brimés ne tardent pas à réagir. D'abord en créant un parti nationaliste, puis en se manifestant régulièrement par des actions violentes et même des assassinats. Oui, mais enfin, c'est pas encore la guerre. Non, non, mais la fièvre ne cesse de monter. D'autant qu'à Colombo, on ne fait pas dans la dentelle. Le bouddhisme, devient la religion officielle et à l'école, les Tamouls sont obligés d'apprendre la langue cingalaise. C'est pourquoi, peu à peu, la revendication d'un État tamoul séparé se fait jour. Mais c'est donc la radicalisation. Alors. Oui, et bientôt ce sera la guerre civile. Alors quand ? Réellement, en 1983. Mm-hmm. Et d'après vous, elle était inévitable ? Certainement, parce qu'à Colombo, on se refuse à toute concession. Pire, la démocratie parlementaire, héritage du colonisateur britannique, est remplacée en 1977 par un régime présidentiel fort qui n'est nullement enclin à satisfaire les revendications des Tamouls. Mais auparavant, en 1975, s'est passé un événement considérable qui préfigurait bien ce qui allait se dérouler ensuite. Quoi ? L'assassinat du maire de Jaffna, la grande ville du Nord. Mais c'est la personnalité du tueur qui devrait surtout attirer l'attention. C'est un jeune homme qui a tout juste 20 ans, un certain Velupillai Prabhakaran. Ah oui, c'est le futur chef des Tigres Tamouls. Lui-même, oui, ouais. Oui, celui qui vient d'être tué par les forces gouvernementales. Un chef implacable qui faisait autant peur qu'il était admiré des siens. Prabhakaran est donc à l'origine de la création d'un mouvement armé dont l'acronyme est le LTTE. Ce qui veut dire, là ? En bon français, Tigre de libération de l'Elam Tamoul. Tigre, je vous ai expliqué pourquoi. Oui, ouais, mais Elam... Eh ben, c'était le nom de l'ancien royaume tamoul. Mmh. Ce sont donc ces tigres-là qui vont déclencher la guerre civile. Hein. Oui, oui, et préalablement, ils ont subi un entraînement militaire en Inde. Au Tamoul Nadu, j'imagine. Bien entendu. Et ici, ils furent d'ores et déjà souligner l'ambiguïté de la position indienne. Car New Delhi, qui veut en principe vivre en paix avec son petit voisin, ne peut pas ignorer que les séparatistes tamouls s'entraînent sur son territoire. Oui, mais attendez. Pour autant, là, est-ce que les Indiens ferment seulement les yeux ou est-ce qu'ils vont plus loin et aident matériellement les tamouls de Prabhakaran ? Ils vont plus loin, comme vous le dites. Les services secrets de New Delhi soutiennent ces mouvements nationalistes. Parce qu'à côté des tigres, il existe d'autres groupes ? Plusieurs, oui. Et les services indiens les surveillent de très près. Car ils n'ignorent pas qu'ils jouent avec le feu. C'est-à-dire L'aide qu'ils apportent aux séparatistes pourrait se retourner contre eux. Ça pourrait en effet donner des idées aux Tamouls indiens. Ah ouais. Ou bien encore à d'autres indépendantistes, les Cachemiris ou les Sikhs. Qui vont assassiner Indira Gandhi en 1984. Alors par conséquent, prudence. Et discrétion. Mais fondamentalement, pourquoi l'Inde est-elle alors les tigres et les autres mouvements tamouls ? D'un côté, je pense que le parti au pouvoir, le parti du Congrès d'Indira Gandhi, veut donner des gages aux dirigeants du Tamoul Nadu. Ah oui, en aidant les Tamouls du Sri Lanka, le gouvernement indien entend s'assurer un soutien politique au Tamoul Nadu. C'est cela, oui. D'autre part, l'Inde, consciente de son rôle de puissance régionale, veut garder un œil sur le petit Sri Lanka. Et peser sur son destin ? En outre, je vous l'ai déjà dit, les positions pro-états-uniennes des dirigeants sri lankais ne sont guère appréciées par New Delhi. Mais, et c'est là où je veux en venir, les Indiens et leurs services secrets ne réalisent pas qu'ils mettent la main dans un véritable nid de guêpes. Et ça va leur coûter très cher. Rendez-vous avec X. La genèse de la rébellion tamoule, c'est donc la discrimination imposée par la majorité cingalaise. Voici l'analyse proposée par Chris Smith dans un ouvrage collectif publié par les presses de Sciences Po sous la direction de Laurent Gaillet et Christophe Jaffrelot. La réponse des Tamouls à cette discrimination fut disparate et peu efficace, mais révéla leurs inquiétudes. Les organisations politiques qui virent alors le jour furent formées sur la base de solidarité de caste ou de classe qui faisait barrage à un regroupement de leurs forces. Les besoins financiers de ces organisations les conduisirent à recourir à l'extorsion et à adopter des pratiques criminelles. Au début des années 1980, l'opposition tamoule était en place, mais restait désorganisée et affaiblie par ses luttes intestines, son manque de ressources financières et son idéologie confuse. Face à elle, l'État sri lankais était mieux organisé et se montrait disposé à user et abuser de son monopole de la violence. En 1981, les élections locales à Jaffna furent perturbées par des groupes tamouls prêts à recourir à la violence et au meurtre pour barrer la route au Parti national unifié, UNP, dans la péninsule. Cette stratégie se solda par un échec après que l'UNP eut fait cause commune avec un parti tamoul. Mais la région n'en plongea pas moins dans l'anarchie sous les effets conjugués de la répression étatique et du conflit fratricide entre les groupes séparatistes tamouls. La guerre civile commence par une embuscade que les Tigres tendent à une escouade de l'armée à Jaffna. Là où Prabhakaran a déjà assassiné le maire. C'est exact. Pour les Tamouls, Jaffna est en quelque sorte leur capitale, car ils y sont largement majoritaires. En tout cas, en ce jour de juillet 1983, les Tigres tuent plus d'une dizaine de soldats. Cette sanglante escarmouche déclenche une véritable fureur, tant chez les dirigeants cinghalais que dans certains mouvements extrémistes anti-Tamouls. Et dans les zones peuplées majoritairement de Cinghalais, on assiste à de véritables pogroms. Des pogroms anti-tamouls. Oui, oui. En quelques jours à peine, 2 ou 3 milliers de tamouls sont tués. Ces massacres ont pour conséquence de pousser les survivants dans les bras des organisations séparatistes. Et on va bientôt assister à la formation de maquis tamouls. Cyniquement, on peut donc dire que les Tigres ont réussi leur coup en s'attaquant à cette escouade de l'armée cinghalaise. Absolument, car la répression qui a suivi a permis à Prabhakaran non seulement de renforcer ses rangs, mais aussi d'asseoir son autorité sur les autres mouvements indépendantistes tamouls, avec une grande brutalité. Pour lui, il n'y a pas de demi-mesure. Si on n'est pas avec lui, on est forcément contre. Et si on discute son autorité, on est immédiatement liquidé. Physiquement liquidé ? Bien sûr. Prabhakaran n'a pas l'habitude de faire le quartier. Et il ne cessera au fil des ans d'administrer des preuves de son caractère implacable et de la discipline féroce qu'il impose aux siens. Les siens, là, c'est militant. Et militante, car c'est l'une des particularités du mouvement des Tigres. On y trouve beaucoup de femmes, et malheureusement aussi des enfants. Des enfants soldats ? Qui viennent remplacer les adultes tombés au combat, oui. Autre spécificité des Tigres tamouls. Ces militantes tamoules sont souvent utilisées pour perpétrer des attentats suicides. Pourquoi ? Parce qu'elles passent plus facilement inaperçues ? C'est ça. On se méfie moins d'une femme. J'ajoute que tous les militants, y compris Prabhakaran lui-même, portent sur eux une capsule de cyanure qu'ils doivent avaler en cas d'arrestation. Mais pour ne pas parler. Oui. Ouais. En tout cas, il semble que le chef des Tigres là, est mort sans avoir eu le temps de l'utiliser. Sans doute, mais depuis 1983, des centaines de militants ont choisi de mourir ainsi. Les Tigres vouent un vrai culte au suicide, qui est l'acte militant suprême. Ouais, le sacrifice. Un sacrifice qui a naturellement une dimension religieuse. Hindouistes, ces tamouls sont convaincus d'être récompensés dans la vie nouvelle qui les attend. Il existe même au sein du mouvement une brigade spéciale, les Tigres Noirs, composée de volontaires souvent féminins. Des candidates à l'attentat suicide. Et Prabhakaran disposait en permanence au sein de cette brigade d'un volant de 50 volontaires candidats aux martyrs. Et cette discipline impitoyable qu'il exerce là. Prabhakaran est un despote qui est l'objet d'un véritable culte de la personnalité. C'est le chef absolu à qui l'on doit obéir en tout. Par ailleurs, il exige de ses adeptes des mœurs rigides. Du moralisme. En effet, on ne rigole pas tous les jours chez les Tigres. Quand on ne s'entraîne pas, on étudie. Et si l'on veut épouser, on demande d'abord la permission au chef. Ouais. Et politiquement, alors c'est un peu plus flou. Prabhakaran a d'abord été un marxiste convaincu. Ouais, maoïste, j'imagine. Évidemment. Mais c'est l'aspect nationaliste qui caractérise l'idéologie des Tigres. Prabhakaran lutte pour un pays tamoul libre, indépendant et socialiste. Et au fil des ans, dans les territoires qu'il contrôle, il a constitué un État dans l'État, avec ses policiers, ses douaniers, son administration. Oui, ça, c'est une raison supplémentaire de s'étonner que cette force soit aussi rapidement effondrée. En effet. J'ajoute, et là encore, c'est une particularité des Tigres, que la guérilla tamoule n'était pas seulement terrestre. Elle possédait aussi une marine, toute une flottille de vedettes légères et rapides qui sont aussi puissamment armées. Ça permet aux Tigres d'attaquer la marine sri lankaise. Efficacement ? Là encore, ces vedettes sont parfois utilisées pour des attentats suicides. Mais d'où viennent ces bâtiments-là ? Les Tigres ont leurs propres installations portuaires et des chantiers navals dans les zones qu'ils contrôlent. Ouais, qu'ils contrôlaient. Et sur le terrain, alors ? Malgré l'intervention massive de l'armée sri lankaise, les Tigres résistent et l'armée de Colombo, qui multiplie par ailleurs les exactions, est impuissante à juguler la répression et à reconquérir ces régions. Toutefois, en 1987, l'armée sri-lankaise lance une grande offensive au nord, dans la péninsule de Jaffa. En plein territoire tamoul, donc. Oui, et au prix de pertes humaines considérables. Elle parvient à s'emparer de Jaffna. Un échec pour les Tigres. Et cette opération, qui fait un grand nombre de victimes dans la population civile... Déjà. Oui, ne peut pas laisser insensible le grand voisin du nord. Alors, justement, il faut peut-être revenir à la position de l'Inde et à son implication dans le conflit. Vous avez raison, car c'est l'une des clés de cette affaire. Dans un premier temps, donc, l'Inde apporte son soutien aux rebelles tamouls, via ses services secrets. Mais c'est une position qui n'est pas tenable à long terme, essentiellement pour des raisons internationales. Oui, le discrédit. Et puis, je vous l'ai dit, l'Inde ne peut pas à la fois soutenir une rébellion indépendantiste à l'extérieur et réprimer à l'intérieur, chez elle, les tentations séparatistes. Par conséquent, Rajiv Gandhi, qui a succédé à sa mère, doit choisir une politique plus claire. Et disons-le tout net, il brûle d'envie de s'imposer comme le faiseur de paix. Une paix indienne au Sri Lanka. En outre, le nombre croissant de réfugiés tamouls dans le sud de l'Inde provoque de graves difficultés dans l'état du Tamil Nadu. Alors Gandhi, tout en prenant ses distances avec les Tigres, initie ce qu'on appellerait aujourd'hui une opération d'ingérence humanitaire. C'est-à-dire ? L'armée indienne parachute des vivres et des médicaments dans les zones de combat. Puis New Delhi, prenant prétexte de l'impuissance de l'armée sri-lankaise à venir à bout de la résistance tamoule, va intervenir directement. En envoyant donc des troupes au Sri Lanka. Hein. Et en se posant comme arbitre. Ouais. Et les dirigeants Sri Lanka acceptent ? Ils n'ont guère le choix, car un autre front s'est ouvert. Un autre front, c'est où ça ? En pays singalais, un mouvement ultranationaliste accusant les autorités de Colombo de mollesse dans la répression anti-tamoule. Il se lance dans une intense campagne de terreur et multiplie les attentats contre les forces de l'ordre. Ah oui, alors par conséquent, les autorités sri lankaises se résignent à voir l'armée indienne débarquer. Elles n'ont guère le choix et signent un accord avec New Delhi. Accord au terme duquel est réaffirmée l'unité du pays, mais aussi son caractère pluraliste. Pluraliste, c'est donc une sorte de reconnaissance officielle du particularisme tamoul. Mais notez-le bien, il n'est pas question d'indépendance. D'autre part, cet accord prévoit le retour des militaires sri lankais dans leurs casernes, mais aussi un désarmement des tamouls. Et ça commence plutôt bien. L'intervention indienne calme la situation et une paix relative s'installe. C'est la fin des opérations militaires ? Oui, mais dès le départ, il y a un formidable malentendu. Les Sri Lankais revendiquent le commandement de cette force d'interposition. Oui, sans doute au nom de la souveraineté nationale. Hein. Alors que les Indiens ne sont nullement décidés à placer leurs troupes sous commandement Sri Lankais. Et les Tamouls ? D'abord, ils profitent de cette accalmie pour respirer. Et on voit même des Tigres coopérer avec l'armée indienne dans la reconstruction des villes détruites. Mais est-ce qu'ils ont rendu leurs armes ? Certainement pas. Ils n'en ont pas du tout l'intention. Et ils sont prêts à nouveau à recourir à la violence ? Oui. Prabhakaran ne peut pas se contenter de cette semi-autonomie qu'on lui promet. Et il est prêt à passer à l'action à la première occasion. Ce qu'il va faire à peine 3 mois après le débarquement de l'armée indienne au Sri Lanka. Rendez-vous avec X, Patrick Pénaud, sur France Inter. Monsieur X a évoqué les méthodes brutales de Prabhakaran. Certains ont même parlé de méthodes sectaires, qu'on en juge par cet extrait puisé dans ce livre des presses de Sciences Po déjà cité. Cette puissance militaire, les Tigres la doivent d'abord à leur système très élaboré d'approvisionnement en armes, mais aussi à l'encadrement extrêmement strict de leurs recrues. Endoctrinés et astreints à des exercices physiques éprouvants, les militants et militantes sont également tenus de s'abstenir de consommer de l'alcool ou du tabac, et les relations sexuelles extra-conjugales sont sévèrement réprimées au sein du mouvement. Les mariages entre combattants sont en revanche encouragés et se déroulent selon un rituel très dépouillé, témoignant d'une réinterprétation de la tradition hindoue dans un cadre nationaliste laïque. Adepte d'un féminisme martial, les Tigres disposent d'une branche militaire féminine depuis 1986, les Oiseaux de la Liberté, dont les premières combattantes ont été formées par les services de renseignement indiens. «

Après la coûteuse parenthèse indienne, le conflit reprend. Toujours aussi violent ? Oui, bataille de rue, combat naval, bombardement, ça n'arrête pas. Et aucun camp ne semble pouvoir prendre définitivement l'avantage. Mais de temps en temps, on observe des trêves et même des négociations. Surtout depuis qu'une mission multinationale initiée par les Scandinaves a été mise en place. Mmh. Une mission quoi, d'observation ? Oui, qui doit veiller en principe au respect du cessez-le-feu signé en 2002 entre les deux parties. Mais plusieurs éléments sont venus compliquer la situation. D'abord, les dissensions internes au sein du pouvoir sri-lankais entre la présidente et son premier ministre. Enfin, là, je vous passe les détails parce que c'est vraiment très compliqué. Sachez simplement que c'est la question tamoule qui a alimenté cette controverse. Ensuite, y a eu des scissions chez les tamouls eux-mêmes. Racontez, hein. Un colonel, un certain Karuma, s'est dressé contre Prabhakaran. Il n'a pas été liquidé ? Le chef des Tigres n'en a sans doute pas eu le temps. En tout cas, cette rébellion interne a donné naissance à une lutte interne très meurtrière, qui a naturellement été exacerbée par le gouvernement de Colombo. Ouais, ça, c'est une bonne guerre. Hein. Et puis, il y a eu le tsunami de la fin de 2004, une catastrophe qui a durement frappé les côtes sri-lankaises, mais qui a donné l'illusion que devant ce drame humain, les belligérants renonceraient enfin aux armes afin de reconstruire leur pays. D'autant que c'est principalement le pays tamoul qui a été touché. Et on a alors observé une trêve devant l'urgence. C'est vrai. Toutefois, à peine un an plus tard, les attentats et les combats ont recommencé. Et au printemps 2006, les Tigres ont attaqué un ferry chargé de militaires et donc signé la reprise des combats. Mais la guerre nourrit la guerre. Chacun, au fond, y trouvait son compte. Qu'est-ce que vous voulez dire ? Soyez plus précis, là. Pour les généraux sri-lankais, cette guerre était très profitable. Ils gagnaient beaucoup d'argent et menaient grand train. Quant aux marchands d'armes, ils amassaient des fortunes. Oui, mais les Tamouls... Ils survivaient. Et l'énigmatique Prabhakaran risquait de n'être plus rien si jamais il cessait d'être un seigneur de la guerre et un chef redouté. Donc, alors, selon vous, au fond, personne n'avait intérêt à ce que le conflit se termine. Oui, la meilleure preuve, c'est que malgré les horreurs de la guerre, des discussions se poursuivaient en coulisses. Quoi, entre les Tamouls et le gouvernement ? Exactement. Au fait, alors... Mais dit là, énigmatique à propos de Prabhakaran, pourquoi là ? Parce qu'on ne connaît pas grand-chose de ce personnage qui apparaissait très rarement, à tel point qu'on a à plusieurs reprises évoqué sa mort. Oui, mais la situation a donc radicalement changé depuis l'an dernier, en tout cas sur le terrain. Alors pourquoi ? La première explication tient dans la trahison de cet homme dont je vous ai parlé, le colonel Karuna. Ce haut responsable des forces tamoules, passé dans le camp de Colombo, a livré à ses nouveaux alliés des renseignements précieux sur la guérilla à laquelle il a appartenu pendant plus de 20 ans. Il connaissait en particulier le secret des approvisionnements en armes des Tigres. Les sécessionnistes ont en effet élaboré un réseau impressionnant. Oui, c'est-à-dire Grâce à la diaspora tamoule installée dans le monde entier, ils ont pu créer de véritables bureaux d'achat à Singapour, en Inde, à Hong Kong. Et ils ont largement profité de la fin de la guerre froide qui a ouvert aux marchands d'armes les marchés clandestins des anciens pays communistes. En outre, grâce à leur flottille, ils pouvaient sans difficulté acheminer ces armes jusqu'au Sri Lanka. Par conséquent, enfin, si je vous comprends bien, la défection de ce colonel a apporté un coup très dur à la rébellion. C'est certain, parce que les autorités de Colombo, bien informées, pouvaient liquider ces filières. D'autant qu'elles ont bénéficié de renseignements fournis par l'Inde. Quoi ? Des photos satellites qui ont permis de localiser les embarcations des Tamouls. Alors ça veut dire que l'Inde a définitivement choisi son camp. Hein. Mais à Colombo, encore fallait-il avoir la volonté politique d'engager une guerre totale contre les Tigres. Et c'est ce qui s'est passé avec l'arrivée au pouvoir du président Rajapaksa, élu sur la base d'un programme belliciste. Un va-t-en-guerre. Et ce président déterminé a commencé par nommer son propre frère, Gotabaya, un militaire de carrière à la tête du ministère de la Défense. Et lui a donné les pleins pouvoirs pour moderniser l'armée et doubler les effectifs. Songez que pour un petit pays de 18 millions d'habitants, il y a désormais 180 000 hommes sous les drapeaux. En outre, Gotabaya peut compter sur le soutien total de l'un de ses frères d'armes, nommé chef d'état-major. Deux hommes qui sont d'autant plus déterminés à lutter contre les Tigres qu'ils ont été, l'un et l'autre, visés par des attentats suicides. Perpétrés par les Tamouls. C'est pourquoi ils ont engagé une guerre à outrance. Mais une guerre très coûteuse en vie humaine. Malheureusement, les civils ont payé le prix fort. Cependant, les succès sont là. Et c'est seulement cela qui compte pour le président Rajapaksa. Qui n'a pas voulu entendre les appels à la modération ou au dialogue. Non, non, parce qu'il considérait que les tigres combattraient jusqu'à la mort. Il était donc inutile de conclure une pause humanitaire. Cependant, je voudrais en terminer là, la victoire sur les tigres ne règle pas la question tamoule, même si Brabacaran et les siens sont exterminés. Il faudra bien un jour ou l'autre reconnaître le fait tamoule. Et si les autorités de Colombo s'y refusent, eh bien, il y a fort à parier que la puissante diaspora tamoule se rappellera violemment à leurs souvenirs. Puis il y a le fait que les tigres survivants, enfin certains en tout cas, contestent toujours la mort de leur chef. Mais il y a fort à parier qu'on n'en a pas fini avec la légende de Prabhakaran. Pour finir, un livre à conseiller autour du Pakistan et de l'Afghanistan, sur lesquels nous reviendrons bientôt dans Rendez-vous avec X à la rentrée, Le retour des talibans d'Ahmed Rachid, récemment paru aux éditions de La Villa. À samedi prochain, je remercie Valérie Aïstaraï, Rebecca de Nantes, Monsieur Djoub. Et tout de suite, après les infos, CO2, Mon amour de Denis Chessou, on part en balade.